Unité 3. Page d'ouverture. Activité 2 et 3. Page 53. Piste 39. Bonjour Hugo. Comment ça va? Salut Léa. Moi, je suis fatigué. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai mal à la tête. Tu as aussi de la fièvre? Oui, un peu. Tu ne te sens pas bien? Je me sens mal.